On m'a appris ce que voulait dire œil pour œil, dent pour dent. De temps en temps, je vis de bons moments. De jour en jour, le malheur me course. Ma famille est là pour me secourir. Je suis heureux quand mes proches ont le sourire. Mais triste quand on n'arrête pas de me trahir. Maintenant personne pourra me nuire. Je respire, j'inspire. On a vécu le pire. À tout moment on te tire dessus. C'est les mecs du 92. Je rigole pas, je suis pas Jamel de pause. L'État fait des réformes dont on ne voit pas la fin. On a faim, mais pas assez de moyens. On fait partie de la classe moyenne, frère. Ce monde me fait de la peine. Souviens-toi des souvenirs passés avec ta Mifa. Car l'État veut nous enfermer au Carla. On rêve de la vie de Carla. C'est le bazar, ma rue est bizarre. Nous sommes vus comme des barbares. Souviens-toi des souvenirs passés avec ta Mifa. Car l'État veut nous enfermer au Carla. On rêve de la vie de Carla. C'est le bazar, ma rue est bizarre. Nous sommes vus comme des barbares. Ne crois pas ce qu'ils disent sur nous. Pour eux, on est condamné à l'échec. Faut les mettre en échec. Et marque le tel bord. Dehors, on est surendetté, maltraité. Faut m'expliquer pourquoi on n'a plus le droit d'exister. Il faut insister pour pas finir hospitalisé. Je m'en bats les couilles de votre hospitalité. Si tu savais comme quoi je suis prêt à tout niquer. Aidez-moi à retourner le pouvoir. Il faut y croire. Faut pas aider les stars. Souviens-toi des souvenirs passés avec ta Mifa. Car l'État veut nous enfermer au Carla. On rêve de la vie de Carla. C'est le bazar, ma rue est bizarre. Nous sommes vus comme des barbares. Souviens-toi des souvenirs passés avec ta Mifa. Car l'État veut nous enfermer au Carla. On rêve de la vie de Carla. C'est le bazar, ma rue est bizarre. Nous sommes vus comme des barbares. Si Train 92. Ouais. Ouais.